Pour ça que moi, quand je fais des campagnes, je ne la fais jamais pour les intelligents. Les intelligents, il y en a 5 à 6%. Il y en a 3% avec moi et 3% contre. Donc je ne change rien du tout. Quand je fais campagne, on prend les cons. Et là, je ramasse les cons. En masse. Et jamais sur le sujet. Enfin, aujourd'hui, je fais ce qui m'intéresse, comme président de réunion. J'aide les lycées, j'aide la recherche. Mais quand je ferai campagne dans 2 ans pour être réélu, je ferai campagne sur des conneries populaires, pas sur les trucs intelligents que j'aurais fait. Qu'est-ce que les gens ont à foutre que je remonte les digues? Les gens s'occupent des digues quand elles débordent. Après, ils oublient. Ça ne les intéresse pas. Les digues du Rhône, les gens, ils s'en foutent. Ah! À la prochaine inondation, ils gueuleront, on va les faire. Alors moi, je mets beaucoup d'argent sur les digues du Rhône, mais ça ne me rapporte pas une moi. Par contre, si je distribue des boîtes de chocolat à Noël à tous les petits lieux de Montpellier, je ramasse un gros paquet de points. Je donne des livres gratuits dans les lycées. Vous croyez que les connards me disent merci, ils disent non, ils arrivent en retard. Comme si c'était ma faute parce que l'appel d'offres n'avait pas marché, qu'il y avait un mec qui avait fait un appel d'offres, et que là, il y a 15 jours de retard dans les livres. Quand les gens, ils disent pas merci. D'ailleurs, les gens, ils disent jamais merci. Les cons ne disent jamais merci. Les cons sont majoritaires. Et moi, j'ai toujours été élu par une majorité de cons. Et je crois que je continue. Parce que je sais comment les agraner. J'agrane les cons avec ma bonne tête. Ma bonne tête. J'ai encore des histoires de cul, etc. C'est un succès fou, ça. C'est un succès fou. Ils disent, merde, il est marrant, c'est intellectuel, mais il est comme nous. Quand les gens disent, il est comme nous, c'est gagné. C'est gagné. Ils votent pour vous. Parce que les gens, ils votent pour ceux qui sont comme eux. Donc, il faut essayer d'être comme eux. Là, les Catalans vont chier. Et je leur tape dessus parce qu'ils m'emmerdent. Mais dans 2 ans, je vais me mettre à les aimer. Je vais y revenir. Je vais dire, mon Dieu, je me suis trompé, je vous demande pardon. Il est intelligent. Ils me pardonneront. Ils en reprendront pour 6 ans. C'est un jeu, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien en rire, parce qu'avant, je faisais ça sérieusement, maintenant j'ai tellement l'habitude à la manière que ça me fait mal. Les cons sont cons, et en plus, ils sont bien dans leur connerie. Pourquoi les changer? Pourquoi voulez-vous les changer? Si vous arrivez à faire en sorte que les jeunes passent de 6 à 9% voire 11, vous repoussez. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais les cons sont souvent sympathiques. Moi, je suis bien avec les cons. Je joue à la belote, je joue au boule. Je suis bien avec les cons parce que je les aime. Hein? Mais ça n'empêche pas de les juger. Et après, quand vous avez raison, après ils vous donnent raison, mais toujours 3 ou 4 ans après. Ils disent, mais il n'est pas si con, parce qu'après tout, ce qu'il a fait, ça marche. Donc vous faites les trucs, vous faites des liens. 6 ans. Les 2 premières années, vous devenez maximum populaire. Vous tapez sur, vous leur tapez sur le claque-bec, etc. Salaud, le peuple à ta peau, on t'aura. Moi, je dis, poste toujours, je vous emmerde. Ensuite, 2 ans, vous laissez reposer le flanc. Et vous faites des trucs plus calmes. Et les 2 dernières années, plus rien du tout. Des fontaines, des fleurs, et des bonnes paroles. Je vous aime. Ô Catalan, je vous aime. Ô Occitan, mes frères. Faites un petit institut de merde pour propager le catalan dans votre catégorie. Tout le monde est catalan. Comme ça, personne ne les comprend à 3 km de chez eux. Ça leur fait plaisir.